La sieste. Pas un seul bruit d'insectes ou d'abeilles en maraude. Tout dort. Sous les grands bois accablés de soleil, où le feuillage épais, tamise un jour, pareil au velours sombre et doux des mousses d'émeraude. Criblant le dôme obscur, midi splendide y rôde, et, sur mes cils mi-clos, à langui de sommeil, de mille éclairs furtifs forment un réseau vermeil qui s'allonge et se croise à travers l'ombre chaude. Vers la gaze de feu que trament les rayons, vole le frêle essaim des riches papillons qu'enivre la lumière et le parfum des sèves. Alors, mes doigts tremblants saisissent chaque fil, et dans les mailles d'or de ce filet subtil, chasseur harmonieux, j'emprisonne mes rêves.